Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2, Instruction familière sur le Magnificat, Instruction 5e, suite du même sujet. Le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses. Quelle est la grandeur des merveilles dont la très sainte Vierge fut l'objet? C'est ce que nul ne pourra jamais comprendre, excepté Dieu seul. La Sainte Vierge elle-même ne put en rendre compte que par cette expression vagmania, qui signifie de grandes choses. Et qu'imaginerait-on en effet de plus grand pour une humble créature, que de l'avoir choisie pour être la mère véritable et naturelle de son Créateur, pour concevoir dans son sein un homme-Dieu? Pour devenir mère sans rien perdre de son intégrité virginale, pour devenir mère d'un Dieu. Ces prodiges sont d'un ordre si relevé, si sublime qu'on ne trouvera jamais d'expression capable de les faire comprendre. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le Tout-Puissant a fait des choses dignes de lui, lui dont le nom est saint. L'âme de la très sainte Vierge est abîmée dans la considération de merveilles aussi surprenantes, et elle ne peut faire autre chose que de rendre honneur et gloire à l'auteur de tout bien, à celui qui a opéré de tels prodiges. Il n'est donc pas contraire à l'humilité de reconnaître, autant que les circonstances nous le permettent, les grâces et les faveurs singulières que Dieu nous a faites. Reconnaissons-les, mon cher frère, et rendons-en à Dieu la gloire qui lui est due. Nous n'avons pas reçu du Seigneur, il est vrai, des faveurs égales à celles dont Marie fut honorée, mais au moins oserions-nous nier que nous en ayons reçu un bien grand nombre? La création, la conservation de notre existence, la grâce de l'adoption, la rédemption de nos âmes de l'esclavage du démon et du péché, et tant d'autres grâces et faveurs particulières que chacun de nous, pour peu qu'il réfléchisse, découvrira aisément dans le cours de sa vie, ne sont-ce pas là autant de bienfaits signalés et bien dignes de toute notre estime? Les dons mêmes qui ont été faits à Marie nous sont communs avec elle, car pour être mère de Dieu, elle ne laisse pas que d'être aussi la nôtre. Si elle a porté dans ses entrailles le Verbe incarné, c'est pour nous qu'elle l'a porté. Si elle l'a mis au monde, c'est encore pour nous, office saint sacrement hymne et vêpre. Si elle l'offrit à la mort sur le calvaire, c'est pour nous qu'elle l'offrit. Ce que le Seigneur a fait pour elle, il l'a donc fait en même temps pour nous. Reconnaissons tant de faveurs, et que ce soit le premier degré de notre gratitude. Il ne suffit pas toutefois de prendre simplement connaissance des bienfaits reçus, nous devons en outre, à l'imitation de la très sainte Vierge, en rapporter tout l'honneur et toute la gloire à notre généreux bienfaiteur. Il ne suffit pas de connaître Dieu, il faut apprécier aussi la reconnaissance que nous lui devons. Cela même ne suffit pas encore, il faut porter en réalité cette reconnaissance dans le cœur. Les philosophes de l'aveugle gentilité ont connu Dieu, ils ont même connu les dons que Dieu nous fait continuellement. Ils ont reconnu que c'est lui qui arrose et fertilise la terre, que c'est lui qui nous comble sans cesse d'une infinité de faveurs. Et malgré tout cela, ils ont été rejetés et abandonnés à leur sens réprouvé. Pourquoi? Parce qu'ayant ainsi connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Romains 1, 22. Tenons-nous donc bien en garde contre l'ingratitude qui suffirait seule pour tarir la source des célestes bienfaits. Soyons à l'imitation de Marie reconnaissants envers notre Créateur, notre Bienfaiteur et notre Père. 2 Corinthiens 9, 15. Soyez reconnaissants pour tous les dons que vous avez reçus de Dieu, mais surtout pour le plus grand de tous les dons, pour le don ineffable qu'il nous a fait de son Fils unique. et sa miséricorde se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. La Sainte Vierge continue à préconiser les miséricordes du Seigneur qui se sont répandues, qui se répandent et se répandront durant tous les âges, et parmi toutes les générations, en faveur de tous les hommes et spécialement de ceux qui le craignent. Le bienfait de la création est grand sans doute, autant que l'est la distance de l'être au non-être, de l'existence au néant. Et cependant, ce n'est pas la seule chose que Dieu ait faite et qu'il soit disposé à faire en faveur de ses créatures. Certes, il n'agit pas comme l'autruche qui abandonne à l'aventure le fruit de ses entrailles, non, mais semblable à une tendre nourrice, il accompagne ses enfants, il les porte dans ses bras et les nourrit sur son sein. Non content de prendre soin de tout ce qui concerne leurs intérêts temporels, il pourvoit avec une sollicitude bien plus grande au bien-être spirituel d'un chacun. Ô mon Dieu, pourquoi les hommes ne savent-ils pas tirer profit de cette tendresse paternelle avec laquelle vous veillez sur eux? Tous seraient infailliblement heureux et dans le temps et durant l'éternité. Outre la lumière de la raison par laquelle Dieu nous donne le moyen de connaître la loi qu'il a gravée lui-même dans nos cœurs, il ne cesse de nous inspirer de bonnes pensées, et d'offrir à tous les grâces nécessaires pour faire le bien, et parvenir au port du salut éternel. Le premier homme perdit la grâce et avec elle tout droit à la gloire céleste, par suite nous ne pouvions plus aspirer à cette destinée sublime par justice, ni par droit de naissance, notre père ayant été dépouillé de son fief. S'il m'est permis de parler ainsi, nous avions le malheur de naître d'un père pauvre, tandis que nous eussions pu jouir de l'avantage de naître d'un père riche et opulent, mais Dieu ne laissa point d'être un bon père, même envers des enfants pauvres et ingrats. Luc 6, 35. Il abaissa un regard de compassion sur Adam prévaricateur, au lieu de le condamner sur le champ à la mort éternelle qu'il méritait. Il lui accorda le temps et les moyens de faire pénitence de son péché. Les descendants de ce pécheur pénitent l'imitèrent pour la plupart et même pour le très grand nombre, dans ses prévarications, mais non dans sa pénitence. Cependant Dieu les a supportés, Dieu les a regardés d'un œil paternel. Que nul ne s'imagine que les faveurs célestées étaient restreintes à la seule nation juive, non, elles se sont étendues à toutes les nations, à tous les peuples de la terre. Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? Demande saint Paul, ne l'est-il pas aussi des gentils? Oui, certes, il est aussi des gentils. Nous en avons donc l'assurance, fondée sur les paroles de l'apôtre, et sur celles de la très sainte Vierge que nous avons rapportées plus haut. Toutefois nous ne pourrons pas nier non plus que la nation juive née était favorisée d'une manière toute spéciale. C'est à elle que furent confiés les divins oracles, c'est elle qui fut établie l'héritière des promesses divines. Mais nous avons aussi été privilégiés entre tous les peuples et toutes les nations de la terre, nous qui avons le bonheur d'être agrégés par le saint baptême au corps mystique dont Jésus-Christ est le chef. Qui pourrait assez approfondir, qui pourrait apprécier dignement la préférence que Dieu nous a accordée sur tant d'autres peuplés de générations, qui de nous surtout pourra témoigner à Dieu une reconnaissance proportionnée à des bienfaits aussi signalés. Efforçons-nous du moins de lui montrer toute la gratitude dont notre faible humanité est capable, Colossiens 3, 15. Il a déployé la force de son bras, il a dissipé les superbes au fond de son cœur. Le Dieu Tout-Puissant a déployé la force de son bras pour faire en moi de grandes choses, dit la très sainte Vierge. Remarquons ici que le mot bras ne peut être entendu dans le sens grammatical, mais seulement dans un sens figuré ou métaphorique. Comme nous n'avons pas d'expression propre pour désigner les opérations surnaturelles divines, nous sommes obligés de recourir à des figures ou métaphores, qui ont toutefois quelque analogie avec la chose qu'on veut signifier. Pour saisir cette analogie, il faut faire attention à la force qu'ont ces mêmes expressions, entendues dans leur sens naturel. Ainsi on attribue certaines choses à la main de Dieu, d'autres aux doigts de Dieu, d'autres enfin aux bras de Dieu. Cette diversité d'expressions indique la diversité des effets que Dieu produit. Les ouvrages de la main d'un homme sont toutes les choses qu'il fait en général, même les plus communes, par analogie les ouvrages de la création, ou, si l'on veut, toutes les choses dans l'ordre physique sont attribuées à la main de Dieu. C'est ma main qui a créé toutes ces choses, dit le Seigneur lui-même, Isaïe 66, 2. Quant à celle qui exige, pour m'exprimer ainsi, une attention spéciale, on les attribue aux doigts de Dieu, telles sont les œuvres miraculeuses et supérieures à l'ordre purement, le doigt de Dieu est là, Exode 8, 19. Mais quelles seront donc les œuvres attribuées aux bras du Très-Haut? Ce sont celles qui par leur grandeur et leur excellence semblent exiger toute la puissance de la divinité, celles qui ne dépassent pas les bornes de la nature seulement, mais qui sont d'un ordre, si on peut le dire, plus que surnaturel. Or, de tous les ouvrages de Dieu, le plus excellent et sans contredit l'œuvre de l'incarnation du Verbe, opérée dans les chastes entrailles de Marie. C'est donc à bien juste titre qu'elle a dit que Dieu avait déployé la force de son bras pour faire de grandes choses. Elle ajoute qu'il a dissipé les orgueilleux dans l'âme de son cœur, ce qui veut dire dans le plus intime de son cœur. De même que le cœur est le principe du mouvement du corps, ainsi l'âme du cœur est ce qui imprime le premier mouvement au cœur lui-même, c'est la moelle du cœur, pour ainsi dire. C'est donc dans cette partie la plus intime de son cœur que Dieu a dissipé les superbes, paroles qui doivent nous faire entendre combien le Seigneur a en abomination les superbes et les orgueilleux. « Je déteste l'orgueil », nous dit-il lui-même, Amos 6, 8. « Mon âme ne peut supporter un pauvre superbe », Ecclésiastique 25, 3. « Nous sommes tous pauvres, puisque tous, ainsi qu'il a été dit plus haut, nous avons eu le malheur de naître d'un père pauvre et dépouillé de son héritage. » Cependant en cette qualité nous sommes des objets de compassion plutôt que d'abomination aux yeux de Dieu, mais si à la pauvreté nous allons joindre l'orgueil, nous devenons des objets de haine et d'exécration à ses regards. Conservons donc, mon cher frère, le sentiment de notre bassesse, soyons humbles si nous voulons attirer sur nous des regards de bienveillance et de miséricorde de la part du Seigneur. Dieu a renversé les grands de leur trône, et il a élevé les humbles et les petits. C'est la conduite qu'a tenue constamment le Tout-Puissant. Il a renversé les anges rebelles qui aspiraient injustement à un état d'élévation qui ne leur était pas dû. Il a exalté les esprits humbles et dociles qui, n'oubliant point leur origine et leur dépendance à l'égard de Dieu, bien loin de vouloir s'élever à cause de la noblesse de leur condition, s'abaissèrent au contraire et reconnurent le domaine suprême de leur Créateur. Adam imita la conduite des premiers, il aspira à une indépendance absolue, « Vous serez comme des dieux », lui avait dit le tentateur perfide, c'est pourquoi il fut aussi déposé de son trône, il fut chassé du paradis terrestre, et exilé dans cette vallée de larmes, pour y pleurer sa folie. Oh quelles sont cruelles, dit Saint Léon le Grand, quelles sont douloureuses les atteintes de cette passion, qui a précipité les anges du haut du ciel et fermé aux hommes l'entrée du paradis. Dieu ne change point de conduite, tel il s'est montré à l'égard des anges et de nos premiers parents, tel il se montre encore maintenant, tel il se montrera jusqu'à la fin des siècles. Si donc nous ne voulons pas être rejetés par le cœur amoureux de notre Dieu, soyons humbles, imitons la très sainte Vierge, qui fut élevée au-dessus de toutes les pures créatures, précisément parce qu'elle en fut la plus humble, dit Saint Bernard. Markem Dan Archivorg 2023, d'après Books Google et faire licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.